Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Mais ce soir, j'étais pas bien, je m'emmerdais comme un chien. Il me manquait un truc, tout ce que je veux, c'est la Wii. Et ça, oui, mode sans fil, et sans être à couper en vie. Il m'en faut une avant que je devienne. Ouh, des jours d'attente, c'est trop long, même au fond de mon pantalon. Ça veut rien dire. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la Wiimote à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Sauf que ce que je cherche depuis un bout, ce truc-là, il y en a pas du tout. Il me manque ce truc, tout ce que je veux, c'est la Wii. Ça, oui, bonne sans fil. Et sans spa, je pense qu'il me fait envie. Il m'en faut une avant que je devienne. Je sais bien que je l'aurai un jour, cette machine est depuis toujours. Maman me dit que c'est pas possible, parce que ça coûte plus cher qu'un fusil. Et moi je sais que ce que je dis, je sais ce que je dis. Tout ce que je veux, c'est la Wii. Et ça, oui, pote sans fil, et sans Mario qui me fait envie. Il m'en faut une avant que je devienne. Ouh, les jours d'attente c'est trop long, même au fond de mon pantalon. Ça veut rien dire.